que je voulais vous en parler. Ici bas sur terre, il y a le bon et le mauvais. C'est à nous de choisir et trouver. Oui, le bon côté, car on est libre. Oh, oui, libre, libre d'exister. On est libre, mais oh, oui, libre, libre de décider. C'est le reggae music qui m'a donné la chance d'être écouté. Alors je veux parler de réalité, parler de vérité, car on est libre, oh oui, libre, libre d'exister. On est libre, oui, oh oui, libre, libre de décider, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue dans Vous êtes libre ce soir sur Radio Campus Tour 89.6. Pour débuter avec cette heure libriste, vous avez écouté Abdoudé avec Libre, à retrouver sur Jamendo. Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de Vous êtes libre ce soir. Je suis toujours seul pour préparer et animer l'émission, donc le format de l'émission ressemblera à la première. En parlant de premier, le premier invité s'est prévu pour l'enregistrement de janvier, ainsi que pour celui de février, puisque, je le rappelle, les 20 et 21 janvier 2007, ce sont les JLLT, les Journées du Logiciel Libre en Touraine, auxquelles je participe bien évidemment, et durant lesquelles je prévois de faire quelques enregistrements et interviews avec l'aide d'un compère. Affaire à suivre. Au menu de ce numéro 2 de VLCS, nous ferons un point sur les pétitions racketticielles, Linux, le manchot venu du froid. Nous aborderons ensuite une petite présentation rapide des outils graphiques libres disponibles. Et enfin, nous parlerons des live CD GNU Linux. Pour ce qui est de la programmation musicale, elle est toujours libre, avec la diffusion d'œuvres sous licence Creative Commons. On continue donc en musique avec le groupe Hype et le titre Home en écoute sur Jamendo. We'll be right back. L'instant, c'était Look and Feel, Year, Younger, de Brad Sucks, disponible sur la plateforme Magnatune. On va à présent parler de la pétition « Non au racticiel », où il est question du racket de logiciel que l'on subit au moment de l'achat d'un ordinateur neuf. Imaginez un monde où vous pourriez choisir vous-même les logiciels au moment de l'achat de votre ordinateur, le prix que vous souhaitez mettre, et de ne pas être obligé d'acquérir certains logiciels sans même savoir combien il vous en coûte. Pour le groupe de travail Detax de l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres, il est question de vente liée, qui est une pratique interdite en France. Ce groupe de travail œuvre depuis quelques années pour alerter les pouvoirs publics sur ce problème, notamment la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. De même, l'UFC Que Choisir avait lancé en avril dernier un appel à témoins sur ce même sujet. La pétition non racticielle mise en ligne depuis le 12 avril 2006 comptait au 27 novembre dernier plus de 14 500 signatures et je vous invite également à visiter le site www.racticiel.info pour plus d'informations à son sujet. Le but du groupe Detax sont les suivants. En amont, obtenir de pouvoir acheter tout type d'ordinateur sans payer les logiciels préinstallés, c'est-à-dire de faire respecter les droits des consommateurs en ce qui concerne les ventes liées, que l'on appelle aussi les ventes subordonnées, des logiciels lors de l'achat d'ordinateurs. En aval, c'est d'obtenir le remboursement de ces logiciels non désirés, préinstallés et indûment facturés aux consommateurs, comme par exemple Microsoft Windows, les suites bureautiques, les antivirus, les utilitaires de toutes sortes, etc. En fait, ce qui est le plus gênant dans tout ça, c'est d'une part le prix, car on estime entre 10 et 25% le prix des logiciels sur votre facture, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir accès aux licences des logiciels OEM avant l'achat de l'ordinateur. OEM, pour rappel, signifie Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire en fait une licence qui est vendue par le fabricant et qui, en fait, c'est le fabricant lui-même qui assure le support et non pas l'éditeur d'origine. Donc, on voit que c'est même souvent pire, puisque ces logiciels diffèrent bien souvent des versions boîte que l'on pourrait trouver dans le commerce, et donc n'ont pas les mêmes droits quant au support des licences. Avec un logiciel OEM, qui est réservé exclusivement à la vente en association avec un matériel informatique, si vous changez de machine, par exemple, le contrat de licence que vous aviez signé et accepté la première fois vous interdit purement et simplement de le réutiliser sur la nouvelle bien souvent, et le logiciel est donc lié au PC. Pour bien comprendre ce problème, justement avec une touche d'humour concernant ces licences OEM, certains ont même fait les 10 commandements de la bonne poire achetrice de logiciels OEM, que je vais m'empresser de vous citer. Le détail, ni les conditions, tu n'obtiendras. Sans précision, tu paieras. Quand tu y gagnes, sur nos arguments, tu croiras. Seulement après achat, au contrat, tu accéderas. Des ouvertures, des contrats, tu t'engageras. Te faire rembourser, clause, tu liras. Te faire rembourser, tu éviteras. D'aucune garantie sur ces achats, tu ne bénéficieras. Si nouveau matériel, tous les logiciels, tu rachèteras. Légal, tu considéreras et en redemander, tu feras. Voilà. Le dossier reste de toute façon complexe, car entre une situation de monopole d'un système d'exploitation et une chaîne de production et un circuit de distribution mis en place, il faut bien malheureusement faire avec. Mais une chose est sûre, le prix des logiciels doit être détaillé et la possibilité de remboursement une condition initiale à l'achat, afin de refaire finalement le jeu de la concurrence et avoir plus de clarté sur justement le prix de ce qu'on achète. Donc les liens sont disponibles sur le blog de l'émission, et voilà, je vous invite donc à faire un petit tour et à vous renseigner sur ce fameux racticiel. On s'écoute à présent New Medication de Car Crash à retrouver sur Jamendo, suivi de près par Just Like You de Arthur Ioria à retrouver sur Magnatune. Yeah. did I say this time to make you want to cry? How does it feel to be my victim in your mind? What did you tell yourself to scare yourself? I'm not so bad. In fact, I'm just like you. Sur Radio Campus Tours, dans l'émission Vous êtes libre ce soir, une heure à parler du libre à la radio. Pour ce qui est du système d'exploitation, je vous ai déjà parlé des systèmes GNU/Linux la dernière fois. Pour être plus exact, j'ai évoqué les logiciels GNU, initiés par Richard Stallman. Et pourtant, bien souvent, on trouve plus le mot Linux tout seul, dans la presse ou dans les médias, c'est sans doute parce que c'est plus facile à dire. GNU, enfin bref. Quand on parle de Linux, on parle plus précisément du noyau Linux, le kernel. Et quand on parle d'un système d'exploitation Linux, il est plus juste de dire GNU/Linux, car c'est un système d'exploitation libre, appelé aussi distribution, entre parenthèses, qui regroupe de nombreux outils et logiciels libres, par exemple le noyau, une interface graphique, des outils de communication, etc. Même si finalement c'est plus pratique de dire Linux. D'ailleurs, une page sur ce sujet avait été éditée sur l'encyclopédie Wikipédia, justement pour expliquer l'attitude des deux camps, car certains, justement, préfèrent dire GNU/Linux et d'autres Linux. Bref, ça tend à ce que ça soit quand même Linux qui s'impose, même si on peut toujours quand même faire référence au logiciel GNU puisque c'est un tout. Le noyau Linux, donc, est un composant central qui s'occupe de fournir au logiciel une interface pour communiquer entre eux, ainsi qu'avec le matériel, gérer les périphériques et leurs logiciels, par exemple les cartes graphiques, gérer le réseau, les composants, etc. Linus Torvald, informaticien finlandais, s'est inspiré du système Minix, alors système d'exploitation, qui était clone d'Unix, qui existe toujours d'ailleurs. La naissance du noyau Linux est fixée au 4 octobre 1991, date à laquelle Linus Torvald annonça sur un forum Usenet la disponibilité d'une ébauche de son système d'exploitation et invita justement les gens à participer et à collaborer au code source qui était donc ouvert. La mascotte, pour info, du logiciel Linux est un manchot qui a pour nom Tux. Linux est aujourd'hui utilisé sur de nombreuses plateformes, des plus puissants superordinateurs, en passant par les systèmes embarqués tels des téléphones portables ou alors assistants personnels, mais aussi on les retrouve dans les modems Freebox ou Livebox, et en passant par les ordinateurs personnels, bien évidemment, tels les PC ou les Mac, sur lesquels il peut être installé seul ou en parallèle avec Microsoft Windows ou macOS. Comme nous avions vu la dernière fois avec les serveurs qui font fonctionner les sites internet, Linux s'est d'abord imposé dans le domaine des serveurs informatiques, grâce à des logiciels tels le serveur web Apache ou le serveur de fichiers Samba, qui permet de partager des fichiers avec un réseau d'ordinateurs sous Microsoft Windows. Il a également atteint, depuis peu, une certaine maturité sur le poste de travail, notamment grâce aux interfaces conviviales que représentent GNOME et KDE, ainsi qu'au succès de logiciels comme la suite bureautique OpenOffice.org ou le navigateur internet Mozilla Firefox. Je continue donc de citer cet excellent article de Wikipédia à propos de Linux, pour pouvoir faire juste le petit rappel et vous rappeler ce qu'est un logiciel libre pour ceux qui arrivent et qui découvrent. Un logiciel libre n'est pas nécessairement un logiciel gratuit, et inversement, tout logiciel libre, non commercial, n'est pas forcément libre. Ce ne sont pas non plus des logiciels libres de droit, c'est en vertu de leurs droits d'auteur que les contributeurs d'un logiciel libre accordent les quatre libertés, à savoir le droit d'utiliser le logiciel sans restriction, le droit d'étudier le logiciel, de le modifier pour l'adapter à ses besoins, et enfin, de le redistribuer sous certaines conditions précises. Vous retrouverez sur le blog de l'émission les liens vers ces articles. Je vous rappelle l'adresse du site www.velcs.info. V-E-L-C-S. À suivre tout de suite Goff de Binaire Pilote, suivi de titre Morning Dust Soon du groupe Half Asleep, dans un registre un peu différent. C'était Half Asleep avec Morning Dust Soon, découvert sur Dogmazic, précédé de Binaire Pilote avec Goof, disponible sur Jamendo. À présent, faisons une petite présentation rapide des outils graphiques libres disponibles. Comme je vous le disais la dernière fois, de nombreux logiciels libres peuvent très bien fonctionner sous Microsoft Windows ou bien encore macOS. Ce sont des logiciels multiplateformes qui peuvent ainsi tourner sous plusieurs architectures ou systèmes d'exploitation. Associés à l'utilisation de formats ouverts, vous êtes ainsi certain de toujours pouvoir échanger vos documents et travaux à vos partenaires et amis. En matière d'outils graphiques libres, il y a celui que l'on cite à chaque fois, le bien nommé The GIMP. GIMP étant l'acronyme récursif, oui, je vous avoue que dans le monde du libre, bien souvent les noms sont des acronymes récursifs. Donc GIMP, c'est l'acronyme anglais de The GNU Image Manipulation Program. C'est donc un programme de traitement d'images, bitmap, création de dessins, retouche d'images, comme vos photographies numériques par exemple. Une image bitmap, que l'on peut traduire en français par une image en mode point, est en fait le format le plus couramment utilisé. Une photo numérique, par exemple, est bien souvent au format JPG. Ce format propriétaire avec compression de données, que vous avez sans doute déjà remarqué sur un site web, avec cet effet de pixelisation, ce sont donc bien des points les uns à la suite des autres, avec des couleurs différentes. The GIMP vous permettra donc de créer des images avec la palette d'outils classiques tels le pinceau, les courbes de Bézier, l'aérographe, le bot clone ou bien encore l'utilisation des brosses. Vous pourrez également retoucher vos photographies, comme avec la correction des couleurs, la balance des blancs ou bien agir sur les niveaux. De plus, de nombreux scripts automatiques existent afin de créer des effets spéciaux. Si on s'intéresse à présent aux images vectorielles, vectorielles comme vecteurs, comme les vecteurs mathématiques que l'on a appris à l'école. Avec un point A et un point B par exemple, et une ligne qui rejoint les deux. Ici, on ne parle plus de pixels, mais bien d'une ligne ou d'une courbe par exemple, qui est interprétée par le logiciel, et ne peut donc pas pixeliser puisque cette même ligne n'est pas composée de points multiples, juste de deux, le point A, le point B. Ainsi, lorsque l'on travaille sur cette image vectorielle, on peut l'agrandir sans cet effet de pixelisation et sans perte de qualité, puisque les lignes et les courbes sont calculées et affichées à chaque fois. Je vous invite une fois de plus à jeter un œil sur Wikipédia pour en savoir plus sur le dessin bitmap et le vectoriel. Des exemples de logiciels libres vectoriels, on peut citer Inkscape, Scansil, Xara Excel ou bien encore OpenOffice.org avec sa section Draw. J'affectionne tout particulièrement Inkscape. Utilisant le format de fichier SVG, comme Scale Vector Graphique, Inkscape est disponible sous Windows également, et je ne peux donc que vous conseiller de le télécharger et de l'essayer. En outre, le fait qu'il soit facile à prendre en main, pour réaliser rapidement des dessins, ainsi que ses fonctions disponibles, vous pourriez très bien en avoir besoin pour retoucher des cliparts. Je vous parle de clipart, mais de clipart libre. En effet, via le site openclipart.org, pour le moment disponible qu'en anglais, vous disposez de plus de 10 000 images, la plupart sous licence de domaine public, donc libre de droit. On retrouve également des licences Creative Commons. La collection peut être téléchargée et associée à la suite bureautique openoffice.org. Le format natif des images de l'openclipart est le format SVG, qui est un standard du W3C, le World Wide Web Consortium, l'organisme reconnu qui émet des recommandations sur les formats que l'on retrouve sur Internet, tels le langage HTML, le code CSS et donc également le SVG, qui, au même titre qu'une page web, peut très bien être affiché dans un navigateur qui respecte les normes du W3C, tels par exemple le navigateur propriétaire mais à présent gratuit Opera, ou bien évidemment le logiciel libre Mozilla Firefox. Pour en revenir au clipart, puisque vous avez accès au code source, donc le format SVG, rien ne vous empêche de les retoucher pour vos créations en utilisant Inkscape. Rien de plus facile donc de l'ouvrir, et éventuellement de modifier les couleurs, ajouter des formes, bref, laissez cours à votre imagination. Je vous rappelle que tous les liens cités dans l'émission sont à retrouver sur le blog de VLCS à l'adresse www.vlcs.info. On s'écoute à présent Chikango du groupe La Goutonnée, en écoute sur Jamendo. 1, 2, 3. One, two, three, hit me. Chicango, tiré de l'album Ouverture Facile du groupe La Goutonnée, disponible sur Jamendo. Parlons à présent des live CD. Un live CD, c'est un moyen facile et rapide de tester une distribution Linux. Il existe de nombreux live CD, citons par exemple la Knopix, ZenLive, Mandriva One, DSL, Jixbox, Friduke Ecole, Ubuntu, Akaela, etc. L'avantage donc de ces live CD, c'est qu'il suffit d'insérer le CD-ROM dans votre lecteur, redémarrer l'ordinateur et patienter pendant le chargement. Voilà, vous êtes sous Linux. Pas besoin d'installation sur votre disque dur, aucun risque d'endommager quoi que ce soit, tout est chargé en mémoire. Le système d'exploitation du GNU Linux, mais aussi les logiciels qui sont installés avec la distribution. Les suites bureautiques, des outils de retouche d'image ou des outils internet, etc. Ces live CD se télécharge à partir d'Internet, leur taille variant en fonction de la nature de la distribution, car certaines tiennent sur une clé USB, en passant donc au CD-ROM ou même au DVD-ROM. Certains Live CD se sont par exemple spécialisés dans les outils de secours, comme partitionner votre disque dur, la récupération de données lorsque votre Windows ne fonctionne plus. Un autre exemple, avec la Jixbox, qui ne ressemble pas aux autres non plus, c'est ni plus ni moins qu'un Media Center, juste pour lire vos DVD ou CD audio. Un Live CD, c'est aussi un bon moyen de tester son matériel et de se familiariser facilement aux interfaces graphiques Linux telles Genome, KDE ou bien encore XFCE. À suivre tout de suite I'm Alive de Nova Express, que vous pourrez retrouver sur Magnatune. On my hair, my body's hungry and my eyes are see red glare. Seeing you walking fills me with desire. You come close and I can feel the fire. And I walk right up and I feel goddamn high. I ain't fooling around, I'm alive. And I want it, and I need some. I'm Vous venez d'écouter Eyes Closed de The Selden Plan, précédé du titre I'm Alive de Nova Express, tous deux à retrouver sur la plateforme Magnatune. VelCS, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez tous les liens cités et les ressources utilisées sur le blog de l'émission dont je vous rappelle l'adresse www.velcs.info. Retrouvez également l'émission en rediffusion, comme le mois dernier, et si le planning n'a pas changé, ce sera le vendredi 15 décembre de 9h à 10h, le samedi 23 décembre de 11h à midi, et le lundi 25 décembre de 17h à 18h. Le prochain rendez-vous de Vous êtes libre ce soir sera donc programmé le samedi 6 janvier 2007, si d'ici là, pas de changement. Enfin, je vous rappelle que VelCS est disponible en podcast sur le blog de l'émission. Vous pouvez ainsi retrouver le premier enregistrement de novembre, mais aussi celui-ci. Il doit me rester une petite minute avant de terminer en musique. Juste le temps pour vous signaler une nouvelle qui fait plaisir à lire, à savoir que l'Assemblée nationale a annoncé par voie de communiqué de presse il y a quelques jours que les postes informatiques mis à la disposition des députés seront dotés de logiciels libres à compter de la prochaine législature en juin 2007. Le communiqué annonce le passage à la suite bureautique OpenOffice.org, au navigateur internet Mozilla Firefox et à l'utilisation d'un client de messagerie libre. On pense notamment à Thunderbird pour aller avec Firefox. Et ce qui est encore plus à souligner, c'est que le tout fonctionnera sous une distribution GNU Linux, dont on ne connaît pas encore le nom, mais c'est assez flagrant pour justement pouvoir être souligné. Après le ministère de l'Agriculture qui avait migré ses serveurs Windows NT 4 pour du Linux, après la migration vers OpenOffice.org, Mozilla Firefox et aussi Thunderbird de la Gendarmerie Nationale, c'est quasiment la première fois que l'on entend parler de la migration vers un poste de travail Linux d'une administration française. Attendons donc de voir la suite donnée à cette annonce. À suivre la suite des programmes de Radio Campus Tour, on se quitte en musique avec James Ernst et Happy Lonely, à retrouver sur le site de Dogmazic. À la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Early morning coffee in the sunshine tastes so sweet. Feeling tired, I think I'll have another by the beach. Broken Cloud plays games with all the people searching for the sun. Another day I guess I'd be there with them, joining in the fun. But not today. You said these times are always special. Enjoy them while you can. Memories to keep safe to forever. At least that's the plan. You and I, we spent our lives together, happy till the end. At least that's the way that I remember. So don't feel bad. Feeling kinda blue, sitting by my window all afternoon, watching the whole world go rushing by. I don't mind at all. No, I don't mind at all. We will walk for miles and miles together, just to find some space. Anywhere was fine with me, whatever. But you have your ways. I don't think I'd ever seen such beauty until that day. Everything is perfect for a moment, but it blows away. Feeling kinda blue, sitting by my window all afternoon, watching the whole world go rushing by. But I don't mind at all. Sitting almost still, imagining the ways I used to feel. See, that's all that I need to stay alive, so I don't mind at all. No, I don't mind at all. See, I don't mind at all. Don't think too much about tomorrow, 'cause you missed it. Don't work too hard for what you don't need. Find a way. Forget your dreams and all your longings. Maybe keep a few. Point is, they'll only disappoint you. By my window all afternoon, watching the whole